Le poste à pourvoir est bien pour une assistante de direction ? Oui, effectivement. Notre directeur des ventes a besoin d'une assistante bilingue français-espagnole. Ma mère est espagnole, donc je suis parfaitement bilingue. Je parle également anglais et un peu allemand. Très bien. Quels outils informatiques est-ce que vous maîtrisez ? Pratiquement tous les logiciels courants, Word, Excel, bien sûr, mais aussi PowerPoint. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler des conditions ? Pour ce poste, le salaire brut est de 25 000 euros par an. Vous aurez un statut de cadre.